Face à un dilemme donc largement insoluble, les responsables de l'enquête ont cherché à maintenir avec la population à la fois un contact d'information régulier et une certaine distance. Les chercheurs étaient invités à observer une attitude de stricte neutralité idéologique. À partir du moment où vous savez qu'il y avait ce partage entre rouge et blanc, et du coup, on les incitait à ne pas acheter leur journal au bourg pour ne pas révéler leurs préférences politiques. Certains Pleuvezévéciens furent sollicités par les chercheurs pour des tâches de routine, indispensables pour la collecte des empreintes palmaires, par exemple, ou le tournage des films, mais ne furent jamais vraiment associés à l'élaboration de la recherche. Voilà encore quelque chose qui, aujourd'hui, serait quasiment impossible, disons, dans la mesure où l'état d'esprit, la conception du savoir dans les sciences humaines a considérablement changé. Mais la présentation des films, à mesure qu'ils étaient montés, ont servi en revanche à tenir la population informée du déroulement de l'enquête, occasion de sociabilité, la projection des films proposés aux Pleuvezévéciens, des résultats accessibles à tous et aussi une sorte d'image d'eux-mêmes. Mais ces avantages avaient leur revers. La dominante ethnographique des films, comme je vous l'ai dit, qui semblait valoriser les traditions locales, avait une tonalité un peu passéiste qui leur a donné l'impression que l'enquête s'intéressait surtout à des choses comme ça, alors que c'était une dimension qui était quasiment étrangère à l'ensemble des recherches. Elle détermina néanmoins donc l'idée que la majorité des Pleuvezévéciens se faisait de l'enquête et suscita chez eux une attitude ambivalente. Ils étaient flattés dans leur nostalgie et leur attachement à l'identité bretonne, voire à l'identité bigoudaine. Ils risquaient en même temps d'interpréter l'attention aux vieilles coutumes comme une manière de souligner leur arriération. Ça a été le cas, par exemple, lorsque, il y a un des films, puisque vous les avez tous revus depuis, consacré au geste du repas, et qui filmait une scène, la scène du yukker, où on mange ensemble la bouillie d'orge au lait que l'on déguste pour lui conserver sa chaleur, à même la marmite, et en se passant la cuillère. C'est un rite tout à fait traditionnel, mais très convivial, que les Pleuvezévéciens ont d'ailleurs ressuscité avec plaisir pour le tournage. Mais à la projection, des spectateurs fâchés avec leur passé n'ont retenu que la manière de manger tous dans le même plat et avec les mêmes cuillères qui les faisait passer pour des sauvages. Ce qui a été vécu à Pleuzévet au cours de l'enquête n'a rien d'exceptionnel. Seule la taille exceptionnelle de l'enquête a donné parfois un tour mélodramatique à un malentendu qui est consubstantiel, comme je vous ai dit, à la relation entre observateur et observé dans sa généralité. Et devenir subitement un objet d'étude est difficile à percevoir et toujours une source d'inquiétude pour l'individu ou le groupe concerné et une source d'interrogation sur sa propre identité. Dans le cas de Pleuzévet, l'incertitude risquait d'être d'autant plus grande, même après les éclaircissements officiels donnés par les responsables, que les objectifs annoncés étaient eux-mêmes multiples. Les Pleuzévéciens eurent tendance à naviguer au gré de l'avancement des recherches et des demandes des chercheurs entre des objectifs supposés qui les flattaient et d'autres qui les vexaient. Ils crurent au début qu'ils devaient l'intérêt qu'on leur témoignait et cette avalanche de chercheurs à leur palmarès exceptionnel de diplômés. Une vingtaine plus même de bacheliers à l'époque, plusieurs enseignants, un professeur d'université, un recteur, un écrivain réputé. Bon, l'enquête, avec toute sa batterie de démographes et de médecins, ne cherchait-elle pas quelque chose de génétique dans cet afflux de surdoués? En fait, la surprise des chercheurs, déroutés par ce palmarès, qu'ils n'attendaient pas, ils croyaient tomber sur une commune moyenne, aurait dû pourtant les convaincre que ce trait n'avait joué aucun rôle dans le choix de la commune. Et l'étude de sociologie de l'éducation, effectuée dans une phase ultérieure de la recherche, devait conduire d'ailleurs à relativiser cette réussite de la commune, car en fait, ce haut niveau de diplôme en fait, n'est pas un trait de Pleuzévet, c'est un trait du Finistère et même un trait de la Bretagne. Et l'on sait à l'époque déjà que le Finistère était alors avec la Lozère et la Corse en tête des départements français pour le taux de scolarisation, avec le même modèle qui était un modèle de scolarisation pour une immigration vers le haut, pour une immigration de diplômés. Si l'enquête ne s'intéressait pas à leur qualité génétique, ne venait-elle pas dépister les tares congénitales ? Et comme les autres communes de la région, Pleuzévette connaissait l'existence de la luxation congénitale de la hanche, repérable par le boitement qui affectait un certain nombre de ses habitants, surtout de ses habitantes d'ailleurs, les plus âgées. Elle faisait d'ailleurs désormais à l'époque l'objet d'un dépistage systématique dès la naissance, mais les examens anthropométriques et médicaux firent naître chez les Pleuzévétiens le soupçon désagréable qu'on leur prêtait beaucoup de tares congénitales. Et la crainte plus ou moins consciente de servir de cobaye à des recherches médicales ou d'être traité comme une population dégénérée explique la susceptibilité qu'ils ont manifestée au vu des premiers travaux diffusés devant tout ce qui pouvait s'interpréter comme un indice d'archaïsme ou de dégénérescence. Cette inquiétude fut refoulée dans le déroulement de l'enquête sous un naturel de gentillesse et d'hospitalité qui a frappé tous les chercheurs, car ouverts au monde extérieur par leurs liens avec leurs nombreux parents émigrés, pour le milieu des marins et des pêcheurs en particulier, par leur connaissance aussi d'autres pays, ils ont fait bon accueil à ces chercheurs qui incarnaient en outre pour eux l'instruction et la science, des valeurs prestigieuses à leurs yeux. Mais après les premiers signes de mauvaise humeur à la projection des films, l'accueil plutôt coléreux que certains firent au livre d'Edgar Morin ne peut se comprendre que comme l'inévitable explosion des inquiétudes et des frustrations longtemps refoulées. Le reproche qui lui fut fait lors du débat télévisé d'avoir trahi la confiance des Pleuzévétiens en rapportant des conversations qui avaient un caractère confidentiel n'est pas fondé. Son étude de l'imaginaire de la modernité des Pleuzévétiens passait nécessairement par l'exploration de leurs états de conscience, et ce qui faisait d'ailleurs son originalité méthodologique par rapport à, encore au style dominant qui était plutôt l'enquête par échantillon, etc. Mais ce qu'il en restituait n'avait rien d'intime ni d'indiscret, et encore moins d'indécent. Les seuls passages qui s'aventuraient dans la vie intérieure, en l'occurrence les préoccupations spirituelles d'un individu, concernaient l'un des deux médecins de Pleuzévette, qui d'ailleurs n'a jamais protesté après. Ce qui était visé en réalité, c'était l'évocation des comportements ambivalents, révélateurs pour Edgar Morin d'une crise de conscience indissociable de l'expérience de la modernité, mais dans laquelle les Pleuzévétiens ne percevaient qu'une image désobligeante d'eux-mêmes. On lui reprochait en particulier un passage sur la forte consommation de vin rouge, appuyé par la photo d'un buveur à la trogne plutôt bachique. En réalité, Morin insistait sur la dimension culturelle et, pourrait-on dire, positive de l'alcoolisme, dont le développement avait accompagné, d'ailleurs on le remarque fort bien, depuis la fin du XIXe siècle, avait accompagné la croissance, l'essor du niveau de vie et de la sociabilité villageoise. Bien d'autres recherches, d'ailleurs, dont celle de nosologie, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un livre à plus grande diffusion, de gérontologie ou de diététique, avaient évoqué beaucoup plus crûment les problèmes de l'alcoolisme, en soulignant son impact par des statistiques alarmantes ou par l'évocation de ses répercussions cardiovasculaires et psychiatriques. Un problème dont les Pleuzévétiens avaient au demeurant parfaitement conscience et qui ne leur était pas particulier. Mais le fait qu'un chercheur connu du grand public en parle ouvertement ou relie à l'identité culturelle de la commune détruisait pour eux l'image un peu carte postale qu'ils attendaient de l'enquête. Lorsque mon livre est paru, quelques années plus tard, on tint à en dire du bien. Jacques Elias, qui n'avait, comme je vous ai dit, sans doute pas été étranger à la cabale montée contre Morin, venait de remporter avec le cheval d'orgueil un succès considérable, dont j'ai même un peu bénéficié à la sortie de mon livre. D'ailleurs, comme ils sont sortis ensemble, on nous a invités. Nous sommes venus ici pour un tournage de télévision. C'est comme ça que je l'ai connu. Et nous sommes restés d'ailleurs très amis jusqu'à sa mort. Je profitais, sans doute aussi du remords des Pleuzévétiens qui regrettaient leur animosité à l'égard d'un des chercheurs qui avait séjourné le plus longtemps dans la commune et qui avait été le plus séduit par sa personnalité conviviale, démocratique. Et il corrigeait le tir en me lisant avec bienveillance. Mais la résurgence des accusations contre Edgar Morin, 30 ans après, devant la caméra d'Ariel Nathan, qui était venu tourner un film sur la mémoire de l'enquête, devait révéler la force indestructible de ses frustrations. Donc, ce qui nous oblige, comme conclusion provisoire, à reconnaître qu'entre observateur et observé, il n'y a pas de rapport aux rues.